C'était l'hiver, jour de la sortie scolaire, au musée d'air contemporain. La lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air, la période bleue, la période noire. Comme si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça chouette. Avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteille d'eau claire, sachets de terre et bonbonnes d'air, fruits et légumes en parfum. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau.